voit ces lieux hantés qui font sûrement partie de mon succès. Là où j'offrais ma peau des fois pour quelques feuilles bleues qui se succèdent. C'est moi le monde qu'attendait la cave pour se péter une perche dite pour la rentrée. Je faisais des dalles sur la J-App, fils de putain, t'étais même pas né. Le bois a gondolé dans la salle de bain tellement je frottais ma peau pour plus sentir leurs mains. Pour ces quelques faveurs, y'a jamais eu d'amour. Je me sentais Mike Water, je traînais plus dans la cour. Pour le bonheur, le mot m'a fait la course. Ivy l'a groomé, il est tombé de la tour. Une coquille cassée, c'est facile à remplir. Plusieurs fois j'ai dit non, il m'a laissé ramper. Est-ce qu'un jour on va le laisser en paix? Est-ce qu'un jour on va l'aimer vraiment? Le môme se dégoûtait tellement que sur place il finit par brûler ses vêtements. 40 degrés pour panser les blessures. Ses stigmates, il les porte des trous dans son vêtement. Un soir il voit une lame, il veut se la mettre. Le môme sait pas parler, il vit dans la censure. Je sais que t'es quelque part mon ange. Aujourd'hui je le fais pour toi. Tu peux voler au ciel. Aussi pourri soit-il, oublie le mal qu'ils t'ont fait. Vas-y vole avec tes ailes. Il a pas cherché longtemps le paradis. Dans les rues sans lampadaire, il parade la nuit. Paradra sur le foie au goulot, il butine. Le môme rêvait d'une fin, d'une manière ou d'une autre. C'est l'aîné, l'a regardé dépérir dans les ruines. Les adultes n'ont rien vu, occupés dans leur monde. Il s'échappe par les fenêtres les jours où l'orage gronde. La boule au ventre, au pinel s'y s'empoche. Le regard endurci devant le client fait la roche. Il ose pas passer le cap de louer des bruches. Deux ans plus tard, Ivy lui tire les vues. La vengeance y'en a pas, c'est du 38 dans le crâne. Avant de le comprendre, il a brûlé des grammes. Bu des mélanges dégueulasses à la grume. En espérant le croiser le jour où il a une arme. Prenais des 200 pétards, j'enchaînais tous les chiottes de la ville. J'osais plus me regarder dans le miroir, devant le miroir je vomissais de la bile. La causalité est la seule responsable de la mort du môme. Même par terre au sol, personne n'a fait l'aumône. Chaque année j'attendais l'hiver, la nuit tombait plus tôt, je pouvais faire mes affaires. Pas le choix, le gamin plonge dans son monde pour anesthésier cette immonde réalité. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux, j'ai un fusil à pompe qui peut les aliter. J'ai très peur des hommes, j'ai très peur de moi-même. Glock 43 dans le sac de mes princesses. Une fois qu'elles seront armées, je pourrais dormir en paix, me reposer peut-être. Car dehors y'a des porcs à l'appel. Même l'institution a tué mes frères. J'ose même pas te raconter ce qu'ils font à mes sœurs. Ça me donne envie de me faire sauter dans un hôtel. Dieu merci à l'amour et l'espoir. Le pardon ça viendra peut-être après. Je laisse au môme le temps de faire ses choix. Sûrement quelques balles à cracher dans je des têtes. Je sais que t'es quelque part mon ange. Aujourd'hui je le fais pour toi. Tu peux voler au ciel. Aussi pourri soit-il, oublie le mal qu'ils t'ont fait. Vas-y vole avec tes ailes. Le cœur du monde paumé dans une Yubiki. Aujourd'hui pour le faire sourire c'est très compliqué. Y'a que son Blicky ou le petit A2D. Ose même pas lui parler de spiritualité. Dans le spiritueux voit sa dualité. Les traces de sa lutte visibles au luminol. Au milieu des landes la planque au mini lui. Une fois la lune levée, les rues deviennent liminales. Et le môme se contente souvent du minimum. En symbiose avec la pourriture. J'oublie le merde quand y'a plus de luminaire. Maman t'en veux pas, j'avais pas le choix de le faire. Ici personne n'est responsable. Sauf le fils de pute qui m'a souillé. Quand j'avais encore l'âge de jouer dans le sable. Aussi pourri soit-il, oublie le mal qu'ils t'ont fait. Vas-y, vole avec tes